dès l'enfance en brisant ses chaînes. Ce soir tu crois et tu contiens ta haine. Tu es sorti, retour à la vie. Il faut te racheter prix de ta liberté. Et donc tu n'envoies à l'agence de placement. Ça t'a surpris, t'attendais plus à des gens. Destiné à avoir payé et t'es humilié. Comme ça toute ta vie tu seras poursuivi. Bouge, redresse-toi et bouge. Défends-toi. On parle autour de toi. Tu vas peut-être braquer et recommencer. Jusqu'à ta mort prisonnier de ton passé. Une dernière plainte, tu veux réagir. Tu ne veux pas croupir, tu ne veux pas mourir. Ils t'ont laissé sortir mais sans y penser. Tu rôdes dans la rue, tu te déplaces en cage. Un jour ils te serreront pour te faire replonger. Dans une orgie de sang, tu vas riposter. Bouge, redresse-toi et bouge. Défends-toi. On parle autour de toi. On reste marqué à vie. Quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale, la société est vindicative. Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette, même après avoir payé. Car on lui refusera le droit de vote, mais il paiera ses impôts et sera mobilisé si une guerre se produit. Châtré de ses droits civiques, il restera un ex-dollar. L'homme à qui on refuse le droit de décision n'est qu'une moitié d'homme. Il se soumettra ou se révoltera. Sors! Allez, sors! Sors des cris! Tu vas peut-être braquer et recommencer. Jusqu'à ta mort prisonnier de ton passé. Une dernière plainte, tu veux réagir. Tu ne veux pas croupir, tu ne veux pas mourir. Ils t'ont laissé sortir mais sans y penser. Tu rentres dans la rue, tu te déplaces en cage. Un jour ils te serreront pour te faire replonger. Dans une orgie de sang, tu vas riposter.